Là-bas, c'est ma grand-tante Amélie. Elle a 70 ans. Elle est veuve. Oh, dites-en de mon pauvre mari. Son mari est mort à la guerre en 40. À côté, c'est mon grand-oncle Casimir. Il a 85 ans. Il est veuf. Sa femme est morte d'un cancer. Là-bas, c'est ma grand-tante Amélie. Là-bas, c'est ma grand-tante Amélie. Elle a 70 ans. Elle a 70 ans. Elle est veuve. Elle est veuve. Quelle est la situation de famille de la grand-tante Amélie? Elle est veuve. Son mari est mort à la guerre. En 40. Son mari est mort à la guerre. En 40. Quand son mari est-il mort? À la guerre, en 40. À côté, c'est mon grand-oncle Casimir. À côté, c'est mon grand-oncle Casimir. Il a 85 ans. 85 ans. Il est veuf. Il est veuf. Sa femme est morte d'un cancer. Sa femme est morte d'un cancer. Ça, c'est tonton Guillaume, un frère de papa. Il a 54 ans. Il ne travaille pas. Il a de la fortune, comme dit ma tante Georgette. Il a des loisirs. Il est toujours en vacances. Il a des relations, beaucoup de relations. Il n'a pas d'enfants. Il est célibataire. Mais il adore les enfants. Surtout Marie-Laure. Guillaume est extraordinaire. Il trouve toujours du temps pour les enfants. Oui, oui, je sais. Et il arrive toujours avec des chocolats, des cadeaux. C'est facile, quand on a de l'argent. Ça, c'est tonton Guillaume. Ça, c'est tonton Guillaume. Il a 54 ans. Il a 54 ans. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il a de la fortune, comme dit ma tante Georgette. Il a de la fortune. Il a de la fortune. Est-ce que tonton Guillaume est riche? Oui, il a de la fortune. Il a des loisirs. Il a des loisirs. Il est toujours en vacances. Il est toujours en vacances. Il a beaucoup de relations. Il a beaucoup de relations. Est-ce qu'il a des relations? Oui, il a beaucoup de relations. Il n'a pas d'enfants. Il est célibataire. Il est célibataire. Mais il adore les enfants. Surtout Marie-Laure. Surtout Marie-Laure. Est-ce qu'il est marié? Non, il est célibataire. Est-ce qu'il aime les enfants? Oui, il adore les enfants. Il trouve toujours du temps pour les enfants. Du temps, du temps. Toujours, toujours. Il trouve toujours du temps. Pour les enfants, pour les enfants. Il trouve toujours du temps pour les enfants. Et il arrive toujours avec des chocolats, des cadeaux. Des cadeaux, des cadeaux. Des chocolats. Il arrive toujours avec des cadeaux, des chocolats. Il arrive toujours avec des chocolats, des cadeaux. Qu'est-ce qu'il apporte toujours aux enfants? Des chocolats, des cadeaux.